Activité 2C. 1. Je suis près de la gare du Nord, à côté de l'hôpital, à l'hôtel de Normandie. 2. La mer est bonne sur cette côte.